tes mirages comme un oiseau sur sa cage qu'avait oublié ses ailes. Je me promène sur tes rivages, cueille des mots sur une page pour faire des notes qui se souviennent. Bien au chaud, sous le soleil, des draps qui nous enchaînent, entend la ville qui s'éveille, le métro nous appelle, bonjour, au hasard. Au paysage, matin des soirées de passage, quand on ne sait plus ce qui nous emmène, tu seras la reine de mes voyages, je serai le capitaine de tes naufrages, si on arrive à dire je t'aime. Hier encore, toujours pareil. Les murs cachés, le ciel entend la ville qui s'éveille. Le métro nous appelle. Bonjour. Oh, hasard. Place pour deux sur tes lèvres, des rêves tout bleus. Envie de rester un peu plus tard. Pourquoi pas jusqu'à ce soir? S'éveille. Le métro nous appelle, peut-être le hasard.